contacter. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, par Facebook. On est assez, assez réactif là-dessus. Et, ou tout simplement venir voir. On ferme pas, on ferme la porte à, à personne. On tape au gymnase. C'est ça, on entre et bonjour, je suis telle personne, je viens tester. Ok, d'ac. Et bah, comme ça, vous prenez. Voilà, voilà on prend avec le protocole. Avec le protocole, exactement. Ouais. Exactement. Il y a le masque et tout hein, aussi, sur le Alors, on a le masque quand on ne pratique pas. Quand on pratique, on peut retirer le masque. Ouais, et dès qu'on retourne, bah, par exemple, pour faire une pause, on va remettre le masque. On va nous, on a le matériel, bah, gel hydroalcoolique, désinfectant pour le matériel. Voilà, on devient des agents d'entretien maintenant. Voilà, donc le samedi, on rappelle le rencard samedi, là, l'aviron à Olivet. À Olivet, c'est au gymnase. Ouais, ouais, on rappelle ce beau rencard. Toute la journée. Quelle heure à quelle heure ça va être un bon 10h-16h. Oh, bah ça va déjà. Ouais, c'est large. C'est pas mal. C'est large. Après, d'autres activités, tu me disais le mercredi, il y a le basket. Ça va être un créneau pour un établissement notamment. Et après, on a l'école du handisport qui reprend. Ouais, d'accord. Ça, c'est réservé aux jeunes, du coup. Mm-hmm. On va être sur du 8-18 ans. Ouais. Et on a un créneau au gymnase au complexe, pardon, La Source. La Source, ouais. Mercredi, ça fait 16h-18h. Ouais. Et Saint-Jean-de-la-Ruelle, on est au complexe Millet. Et ça va être les jeudis de 16h45 à 18h15. Et ben voilà de bons événements. En tout cas, on peut vous retrouver sur votre page Facebook Comité Handisport Loiret, si tout je ne me trompe pas. Ouais. Si vous voulez des renseignements, ben, on vous contacte via le Facebook. Vous avez aussi il y aura un numéro de téléphone, je pense. Il y aura des mails. T'es joignable. Ah ouais, si vous osez pas, hein, si vous osez pas y aller, ben, n'hésitez pas à contacter sur Facebook, envoyer un petit message et puis elle vous répondra, Emeline, toi ou tes collègues. Ouais, ma collègue. On est deux. C'est qui la deuxième? On est deux salariés, collègue. Solène Chenuet, qui en plus elle est en activité sportive, donc bon courage à elle. Ah ouais, ça y est, on lui passe le bonjour. C'est ça. Alors l'émission est enregistrée, tu pourras récupérer l'enregistrement juste derrière. Je remercie Florent qui fait tous les enregistrements de la radio. Voilà. D'accord. Un dernier mot rajouté peut-être, Emeline, si tu avais quelque chose à dire pour finir, conclure cette belle interview. Si tu as des choses à dire, tu peux te lâcher. Hein. Même personnel, hein, si tu veux balancer un truc. Et bah, merci pour l'accueil en tout cas. C'est mais super nous, tu viens cool, quand tu veux. Mais toi, il faut venir régulièrement. Hein. Moi, tu me dis, je viens une fois par mois, deux fois, c'est pas un problème. Hein. D'accord. Tant que ça intéresse les gens, le handisport, etc. Faut faire bouger les choses. Et puis les médias, on est là pour ça aussi. D'accord. C'est super sympa. Il faudrait faire recevoir des invités pour passer de la musique, hein, tu vois. D'accord. Et bah, merci en tout cas. Puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et puis samedi, bah, rendez-vous hein, à Olivet. C'est ça, rendez-vous à Olivet. On vous attend. Voilà, on vous attend pour faire de l'aviron, un peu de sport, ça fait du bien. Emeline, on te remercie, on va faire la photo. Merci beaucoup. Et bien, bah, merci de sourire à ton cette bonne humeur. Eh, ça fait plaisir de voir des gens comme ça de bonne humeur. Hein. En direct à la radio, vas-y. Lee Tourné sur Radio Arc-en-Ciel. Il y a un grand ciel beau dans ton café, n'a pas une autre pièce. Petit passé, il poudre. ce n'est qu'au dernier. Détourner, détourner. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Détourner, détourner. Mais ce n'est qu'au devant, ce n'est qu'au dernier. Détourner, détourner. Il met son corps devant, mais son corps derrière. Détourner, détourner. Laisse la mélange. Dans moins de 5 minutes, c'est notre invité. Ah ouais. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et Augustin qui arrive dans les studios de la radio, c'est notre invité. Les virades de l'espoir annulées. Et ça fait mal. Mobilisons-nous. On en parle avec lui dans moins de 4 minutes en direct. Augustin, des virades de l'espoir. Manger semble couper sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde.

Diesel, le meilleur des souvenirs, 17h48 avec Sun Megamix de Crazy Pictures. La météo. La météo pour demain, c'est pas terrible hein, demain. Le soleil sera un petit peu là, mais beaucoup de nuages malheureusement. Possibilité d'averse en fin de matinée, l'après-midi, le ciel est très nuageux et devient très variable hein, avec des possibilités d'averse aussi. Les températures le matin de 15 degrés jusqu'à 22 degrés. Et ouais, on perd. Hein, alors, et puis alors, je regarde le jeudi. Jeudi, ouais, ça va commencer à pleuvoir. Hein, et je vous le dis tout de suite. Hein, ouais, à partir de jeudi, ça va commencer à pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave. Le soleil est au rendez-vous sur l'arc-en-ciel en direct. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'After Job avec Francky, je répète, le mardi oublié. De 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Le meilleur des souvenirs. After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. La difícil, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Mami, dime. Baby, tu que cuerpo sea. Me mata. Sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero. ya no me equivoco más. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Solo dime, mami, ¿cómo será? Dame un poquito de tu sabor, yo te necesito, quiero tu amor. Dejamos el drama, no aguanto la gana. Quédate conmigo, ven por favor. Ella me hipnotiza con su caricia suave. Se hace las difíciles, mami, dame la clave. Siempre me dice que se va, no hace nada. Chenzo, elle arrive dans 6-7 minutes, c'est Sabine Guillien, présidente du CJF Fleury Handball, et ouais, notre invité dans moins de 6 minutes. Voici Ed Sheeran avec Perfect et Beyoncé. For me, well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. Kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Ah, no, no, no. Baby, I'm dancing in the dark. Parfait ce soir dans moins de 4 minutes. Elle est notre invitée, Kelly Clarkson, qui arrive avec Because of You. Sabine Guillien, qui vient de s'installer tranquillement dans le sud de la radio arc-en-ciel, avec le protocole sanitaire. Eh ouais, il y a tout ce qu'il faut, les masques, le gel, on a tout mis. Hein. Avec vous, c'est Francky dans la radio. Demain, je vous rappelle la météo, hein, pas terrible. Hein. Du soleil, des nuages, ça va être mitigé.

J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Alors les îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je viens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas, non, non, non, elle ne veut pas. Celle avec Kevin Kinvé, et puis on va du côté de la tangentielle. Apparemment, c'est bouché. Il y a M. Faria qui est avec nous au téléphone. Bonjour, M. Faria. Bonjour, Paul. Comment tu vas bien aujourd'hui? Ça va? Ça va. Bon, alors, apparemment, c'est bouché direction Montargis, la tangentielle. Hein. Ouais, c'est ça? Tout à fait. Ah la vache. Et c'est beaucoup bouché ou alors c'est un petit peu? Bon, ça roule tout doux. Hein. Tout doux, ouais, pas facile. Hein. Donc, si vous prenez la tange direction Montargis, faites gaffe. Ça bouche. Bon, tu rentres de d'où là? De quelle ville? Bon, j'étais en venant, là, je rentre à Fayolloge. Ah, Fayolloge, oui, c'est la route, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ça y est, patience dans la voiture, hein. Sois prudent, mon ami. Voilà. Ouais, pas voilà. Facile, ouais, c'est pas facile. Ça va que t'es à la radio pour passer de belles bah, musiques. C'est ça que c'est bon, hein, mon ami, hein. Ah, c'est ça qu'on fait. Bon, tu as la piscine en rentrant ou pas? Non, il fait froid, là. Ah ouais, il fait froid, là, ouais, quand même, faut pas abuser, hein. Allez, passez une bonne soirée, monsieur Faria, hein. Merci, toi, c'est ma poulette. Salut, ma poulette. Et ouais, on est des poulettes, nous, à la radio. C'est Nicky Yam. Porque quieres engañarte, si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando français avec Nicky Jam, Anmi Kama. Si vous, comme Monsieur Faria, vous êtes dans les bouchons, bah patientez, hein, en musique avec du soleil. Je rappelle que demain, les températures vont chuter, hein, et puis malheureusement, la pluie va commencer à faire un petit peu son apparition. Voici les rayons sous le sol, les caméléons. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je